LB, pour les morts anonymes, en 2005, un retour en arrière d'il y a 2, 3 ans, 4, 5 ans, voire d'autres années. C'est pour ceux qui ont défilé ces armes, qui n'ont rien demandé. Je démarre ce siècle avec le carnage d'un été sec. Dommage que la France n'ait plus l'étincelle. Elle est sans scène, illusion des enseignes, seigneur les anciens, lourde est la recette. 15 000 morts, une broutille, c'est la faute à l'état, distille abruti. Un génocide pour carte vermeille, et je distille à chaque vermine, l'oublie à chaque pays anime. Des morts anonymes, des mots anodines, il reste des paroles anodines, on efface les remords. À l'heure où on dîne, on y pense un mois ou deux, alors on est digne. Elle est belle, notre époque, semblable à nos peines. On est bel et bien des spots blancs et belles. On aime les corps dans la paix, mais là suffit d'un appel à l'écran du pécrine pour que naisse la peine. Enfin, tout ça c'est juste des gens, pour certains. Tandis que moi je veux s'y faire, d'autres vont s'y faire. On continue. On m'avait dit dans l'attente, faut pas que le monde te tourmente, ce serait te mentir. Mais les deux tourmentes d'ici. J'ai pu sentir des âmes absentes, où ça m'a dans sa tente, quelques rires. Un symbole en Orient, et c'est le drame en Occident. Les cris, la peur en Occident. On décrit la porte du mal, on t'arrose d'images. Ciao à cette vie, assez de vivre. Surmonter ces mots, le regard dans le vide. Face à mon petit mot, je veux traverser la ville sans lorgner le vide. Du sang coule sur cette vitre. Il y a ce corps sans vie, un tas d'hémoglobine sur chaque parvis. Conséquence d'un tas de mots et de combines. Oui, c'est là que j'effectue chaque pas. Quand 27 ans, je deviens papa. Par-dessus tout, je reste palpable. Des doutes, continuer, je ne sais pas. De plus en plus diminué, on nous sépare entre la politique et l'éthique. Il n'y a plus rien de sympa. On s'empare d'un tas d'états, d'âmes, d'armes. Depuis des lustres a pris la place de l'homme. L'alarme est en panne, on agresse pour du temps pas. Fais péter le champagne. On transgresse la loi. C'est ça nos vies. C'est bien combien de temps parti. Tandis que sur des champs de mine, des familles ne font plus les 100 pas. Merci ton FMI, machallah. Avec tant de brebis égarées, le FNU, le coup de sur zinc. Mon zinc et moi, on boit la santé de Rémi et son RMI. On est de plus en plus en famille, issus de sa famine. On est misérable, j'en vois qu'Ilis Rousseau. Rêve de suite au sud d'un ruisseau. Avenue Hugo, des corps s'étalent par milliers, liés à leurs conditions sociales. Je démarre ce siècle avec le carnage d'un été sec. Avec le regard large, j'accuse, je veux pas être vieux. Accepte le monde, ce que j'entends à chaque seconde. Et à chaque seconde, une femme est féconde. C'est dire comme la douleur est profonde. Car c'est dans le délire que nos couleurs se confondent. Avec les mêmes cons qui gobent des litres de chimie. Y'a tant de schémas enchaînés, on simule. Un rire, une vie, cellule. Faire passer la pilule par divers médias. L'effet immédiat est trop apeuré. Je reste là, je vis déjà l'enfer sous mes bras. C'était le 12 décembre 2002. Là-bas.